bonsoir. Avant son départ définitif de Fun Radio, Gérard organisera en partenaire avec l'amicale du foyer une grande course de pitbull autour du foyer. Vous affronterez les meilleurs clébards du bâtard. Alors, au programme, soirée mousse et bière, Gigi Corona et Gigi Vitsis. Soirée spéciale blaguette auto avec Gigi Sleep et Gigi Ricard. Le derby des poids lourds avec en pole position Sandy Dalmatia. L'enduro des salopes avec Carole et Christine au départ, bien sûr. Tous les Lascars des cités alentours sont invités. Il y a de nombreux lots à gagner. Donc un prix, un authentique morceau de rotule chromé à ronger, bien sûr. Deuxième prix, une collection complète d'agrapes en titane pour une pâte folle. Et en lot, une consolation pour les perdants. Des claquettes en mousse et des bites en plastique. Par contre, j'ai bien précisé dès le départ. Donc pas de portable et bien sûr, quand je vous dis bonjour, vous dites bonjour. Tous les Lascars des cités alentours sont invités. Donc allez-y nombreux. Et voilà, bonsoir à tous.